casquette, lunettes. Faut pas faire chauffer quand je pars chez moi, ouais, ouais. Je tombe, je relève, quand je dis rien de plus que toi. Tous les jours, rien à faire. Qu'à kiffer, je reste chez moi. Le monde tourne à l'envers. Chacun sa vie et ses choix. C'est bizarre, tu te tailles quand j'arrive, salope. C'est bizarre, je sens que tu m'analyses, salope. C'est bizarre, tu fais tout le temps la gadi, salope. Y'a les képis à crier toute la zone, galope. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. T'en fais ta vie, ta carte bleue. Ta gadi, ta porte de bœuf. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Si tu le sens, c'est par le feu. Je te prie, joue pas un jeu. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Plus d'amis quand y'a les lovers. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Y'a plus d'amis. Chaque fois que je te vois, tu me mets les nerfs. Tu fais trop le mec, tu me sens des yeux. Jeune millionnaire. Ou la lettre, je suis au palais, je vois pas net. En plus, je suis en fumée, j'ai fait tomber ma canette. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Ça me fait ta vie.